je suis mort. Tu es mort. Je suis morte. Tu es morte. Je suis mort. Tu es mort. Je suis morte. Tu es mort. Oh, bien mort.